Leçon 3, exercice 53. Exprimer des comparaisons. Transformer. Exemple. Les jeunes se mobilisent contre l'intolérance et contre la pauvreté. Les jeunes se mobilisent aussi bien contre l'intolérance que contre la pauvreté. À vous. Les jeunes sont concernés par la guerre et par l'environnement. Les jeunes sont aussi bien concernés par la guerre que par l'environnement. Les jeunes sont impliqués dans la lutte contre le sida et contre le racisme. Les jeunes sont aussi bien impliqués dans la lutte contre le sida que dans la lutte contre le racisme. Les électeurs sont sensibles à la lutte contre l'insécurité et contre le chômage. Les électeurs sont aussi sensibles à la lutte contre l'insécurité qu'à la lutte contre le chômage. L'opinion internationale se mobilise contre les inégalités et les dictatures sanguinaires. L'opinion internationale se mobilise autant contre les inégalités que contre les dictatures sanguinaires.